إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication en langue française du livre intitulé القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Le dernier cours, donc on est toujours dans le chapitre concernant les réfutations faites par le Shir à travers plusieurs exemples qu'il a cités et dans lequel les gens de l'innovation ont avancé que les gens de la Sunna ont interprété les textes et les ont fait donc dévier de leur sens apparent. Le Shir, il a cité plusieurs exemples. Et on va continuer donc ces exemples, et qui sont soit des versets du Coran, ou soit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'est arrêté à l'exemple 17, ou Arfwan, on s'est arrêté à l'exemple 7 et 8. Les deux prochains exemples qui sont rassemblés, c'est l'exemple numéro 7 et numéro 8. Fayaqul, rahimahullah, al-mithal al-sabi' wa-thamin, qawluhu ta'ala, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. Donc ici deux versets du Coran qui ont le même sens et qui reprennent pratiquement les mêmes termes. Donc le premier c'est ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ça, c'est le verset qui fait surat Qaf, qui est le verset 16. Et le deuxième, وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, le deuxième qui fait surat Al-Waqi'ah, et qui est le verset 85. وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, et que nous sommes plus proches de lui que vous, et que nous sommes plus proches de lui que vous. Donc ici, les gens de l'innovation, ils ont dit que les gens de la Sunna, ils ont interprété ces versets dans le sens qu'ils les ont fait sortir ou qu'ils les ont fait dévier de leur sens apparent. Et comment cela? Parce que les gens de la Sunna et du consensus, ils ont interprété, et dans le sens bien entendu interprété, ou fassal. Et on a déjà vu et répété que marna ta'wil, ta'wil, ça voulait dire également dans la langue arabe tafsir. Donc donner l'explication, interpréter le sens. Donc ils ont interprété, ils ont expliqué le sens en disant ici que Al-Qurb, qu'on voit bien ici, et nous sommes plus près, et dans le deuxième verset que nous sommes plus proches, et nous nahnu aqrabu ilayhi, on voit bien ici que le terme employé, wa nahnu aqrab, aqrab, donc qui vient donc du terme Al-Qurb, et qui est donc le rapprochement, le fait d'être le plus proche. Donc ici, aqrab, le fait d'être le plus proche. Donc ça a été expliqué, ces deux termes, dans ces deux versets, par l'approchement ou le rapprochement des al-malaïka. Al-malaïka qui sont bien entendu les anges. C'est comme ça que al-mufassirun, parmi les gens de la sunna et du consensus, ils ont interprété ce verset. Il nous dit al-jawab, donc il va répondre à cette accusation. Il va dire le shir, anna tafsir al-qurb fihima bi qurb al-malaika laysa sarfan lil kalam an zahirihi liman tadabbarahu. Donc il nous dit anna tafsir al-qurb fihima bi qurb al-malaika laysa sarfan lil kalam an zahirihi liman tadabbarahu. Donc le fait d'avoir interprété ce verset en disant que ici le rapprochement, c'était le rapprochement des anges, ce n'est pas, de par cette interprétation, de par cette explication, ce tafsir, ce n'est pas avoir fait dévier le texte de son sens apparent. Pour ceux, bien entendu, qui vont réfléchir sur ce verset, qui vont réfléchir sur le sens de ce verset ou de ces deux versets, et qui vont méditer, ils vont s'apercevoir que c'est bel et bien le sens ici du verset. Et il va nous en donner le preuve, il va nous en donner la preuve, le shirk. Il nous dit, أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى فَإِنَّ الْقُرْبَ مُقَيَّدٌ فِيهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين أن المراد به قرب الملكين المتلقيان. Donc ici, si on regarde bien le verset du Coran et les versets du Coran, c'est-à-dire celui qui va venir après le verset 16, min surat Qaf, qui est le verset 17, et ceux qui suivent. Donc on remet, bien entendu, le verset dans son contexte, pour comprendre le sens. Il va nous faire comprendre le shir, que al-qurb ici muqayyad, c'est-à-dire que c'est un rapprochement qui est restreint, de par ce qui va être indiqué, donc, dans les versets du Qur'an. Et lorsqu'on voit la suite dans cette surat, les versets qui viennent donc après ce verset, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَلِيدِ, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, il vient le verset suivant, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Et bien entendu, les deux recueillants ici, ce sont les anges, ceux qui écrivent et qui recueillent les actes des hommes. Celui qui est à droite, celui qui est à gauche. Qu'ils soient donc des actes qui soient bons, ils sont écrits, recueillis. Qu'ils soient mauvais, ils sont également écrits et recueillis. C'est donc l'une des fonctions de ces deux anges qui sont donc sur la droite, l'un sur la droite et l'autre sur à la gauche de l'homme. Et il nous dit le shir. Également la suite du verset, ou la suite de la sourate. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Donc on voit qu'il n'y a pas une seule parole qui est prononcée sans qu'un observateur est prêt à l'inscrire, sans donc que cela soit écrit sur le livre. Ici on voit bien que dans le contexte et le sens du verset, que c'est bel et bien le malaïka. C'est bien et bien al malaïka, ce sont bien donc les anges qui sont voulus par là. Ça c'est pour le premier verset, c'est-à-dire « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ » Pour ce qui est du deuxième verset, فَإِنَّ الْقُرْبَ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِحَالِ الْإِحْتِضَارِ نعم فَإِنَّ الْقُرْبَ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِحَالِ الْإِحْتِضَارِ وَالَّذِي يُحْضِرُ الْمَيِّتَ عِنْدَ مَوْتِهُمَ الْمَلَائِكَ. Également dans le deuxième verset, on va s'apercevoir que الْقُرْبِ ici également مُقَيَّد, il est restreint, الْقُرْبِ, le rapprochement donc il est restreint au moment ou dans une situation qui est une situation où l'on va assister, c'est-à-dire des êtres vont assister à l'ihtidar, donc une personne qui va assister, ça c'est une situation et c'est ce qu'on appelle l'ihtidar. Et nous dit le shir, c'est donc au moment, et on sait donc que ceux qui vont assister à la mort de l'homme au moment où il meurt, ce sont les anges. Et la preuve de cela, c'est le verset suivant, hatta idha jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهم لا يفرطون. Donc dans ce verset qui fait surat al-An'am, qui est le verset 61, et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, donc bien entendu ici c'est les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence, sans aucune négligence, donc c'est eux qui font mourir l'homme. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, donc lorsque la mort vient, lorsqu'elle atteint, lorsqu'elle vient auprès d'une personne, tawaffathu rusuluna, ceux qui font mourir donc cette personne, ceux qui enlèvent les âmes sont bien entendu ici les anges, qui sont en rusul, qui sont donc les envoyés, c'est Allah Azzawajal qui les envoie, qui les envoie ici pour recueillir donc l'âme de l'homme et pour donc lui donner la mort. Wahum la yufarritun, la yufarritun, c'est-à-dire donc ils enlèvent son âme sans aucune négligence. Donc ça c'est la preuve qu'à ce moment-là, au moment de la mort, sont bel et bien les anges qui sont présents. Donc dans le verset ici, on sait que Al-Qurb, on sait que le rapprochement, il est bel et bien restreint par cette situation, qui est la situation de l'assistance, lorsqu'on assiste. Et ceux qui assistent, ce sont les anges, comme dans le verset qu'on a cité. Donc dans ce verset, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ qui fait surat Al-Waqira, on a bel et bien la preuve, ici donc, que ce sont des anges qui sont plus proches de l'homme. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون également في سورة الواقعة. Donc ça c'est à la suite du verset. Non, c'est ici donc à la suite du verset, ou parfois à la suite de la sourate, ou à la suite du verset. Non, parce que c'est dans le même verset, dans la suite de la sourate, qui est toujours في sourate, ou qui est toujours fait dans le verset 85, سورات الواقعة ولكن لا تبصرون, donc qui est la suite du verset. ونحن أقرب إليه منكم. Voilà qu'il l'a tout sirun. C'est une preuve également, dans cette dernière partie du verset, c'est une preuve que sont bien les anges. Voilà qu'il l'a tout sirun. Mais vous ne les voyez pas. Mais vous ne voyez pas. Ou vous ne les voyez pas. Tayyib. Ou vous ne le voyez pas. Ala kulli hal, il nous dit le shir dalilan bayinan ala annahum al malaika. Ceci est une preuve. La suite du verset, c'est une preuve claire et nette, explicite, que sont bel et bien les anges. إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. Donc cela prouve bien que celui qui est proche à ce moment-là, هذا القريب في نفس المكان, qui est donc au même endroit que celui qui meurt et qu'il ne le voit pas, ou celui qui est en train de mourir, l'homme, il ne le voit pas. Walakin la tubsirun. Donc à ce moment-là, on ne le voit pas. Wa hadha yu'ayyin an yakuna al-murad qurb al-mala'ika. C'est-à-dire donc, à ce moment-là, ça prouve bien que c'est le rapprochement des anges. Car cela est impossible dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'il soit proche de nous au même endroit. Ala kulli hal. Ici, le shir, il nous donne la démonstration de l'explication du verset. Et que lorsqu'on a dit que al-qurb ici, le rapprochement, c'était pas le rapprochement d'Allah, mais c'était le rapprochement des anges, il l'a prouvé en remettant le verset dans son contexte, et donc en faisant apparaître le véritable sens du verset. Donc on est bien dans le sens apparent. On a donné une explication suivant ce que nous indiquait le verset. Et bien entendu, cet avis-là, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qarrarahu Cheikh al-Islam. C'est donc ce qu'a démontré également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que ma'na al-qurb ici, الملائكة بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة. Donc il nous reste une chose ici à préciser. On pourrait se poser la question, si on a dit que ici القرب c'est celui des الملائكة, le rapprochement c'est celui des anges, pourquoi dans le verset il est dit, ou Allah عز وجل dans le verset il dit comme cela, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Et dans le premier verset, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ. Donc il a utilisé Allah Azza wa Jal, وَنَحْنُ. وَنَحْنُ, qui est bien entendu, que l'on traduit par nous, c'est-à-dire nous. Alors le shir nous dit, à ce moment-là, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a annexé le rapprochement à lui, lorsqu'il a dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. وَنَحْنُ, ça revient bien entendu à Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle dans son Coran. Et lorsqu'il dit nahnu, c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on traduit par nous. Donc ici nous sommes plus proches. Pourquoi donc Allah azza wa jalla a annexé le rapprochement à lui, alors que ce qui est désigné ici, le sens ici, ce sont al-malaika. Il va nous dire, est-ce que ce ta'bir, cette façon donc de s'exprimer, elle est déjà venue dans le Coran? Il va nous dire ici, en guise de réponse, al-jawab, أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. La réponse du shir, elle est donc la suivante. Allah Azza wa Jal, il a annexé le rapprochement à lui, alors que le sens ici, ce sont les anges. Pourquoi cela? Dans un premier temps, parce que ils sont proches de son ordre. Ils sont donc proches de son ordre. Et parce qu'ils sont son armée et leur envoyé. Donc ils font exactement ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Et on sait qu'ils ne désobéissent pas. Ils font exactement ce qu'Allah a ordonné de faire aux anges. Ils le font donc à la lettre. Donc, c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal ici, il a annexé Al-Qurb, le rapprochement à lui, subhanahu wa ta'ala, alors que le sens ici, et le rapprochement, c'est celui des anges. Et si on regarde dans le Coran, pour prouver ce qu'on est en train de dire, il nous dit le shir, il était simple de voir s'il y a d'autres versets du Coran qui viennent avec la même expression, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il annexe à lui un acte, mais cet acte-là, il est fait par autrui. En l'occurrence, bien entendu, ici, Al-Malaika, suivant les anges. Et l'exemple qu'il nous a donné, c'est le verset suivant, qui fait surat Al-Qiyama, qui est le verset 18. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Donc, quand nous le récitons, suit sa récitation. Ici, on voit bien. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Donc, quand nous le récitons. Nous le récitons. طيب. Donc, on voit bien ici que Al-Qira'a, la récitation, elle est annexée à qui? À Allah Azza wa Jal. Parce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, quand donc nous le récitons. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, nous le récitons, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce sens, la récitation est annexée à Allah Azza wa Jal. Mais on sait que, qui c'est qui lisait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était Jibril. C'était donc son envoyé qui venait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui récitait les versets du Coran. C'est pour ça que le shir nous a dit, فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِرَاتُ جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. Et donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici, et pourquoi cette expression est authentique lorsqu'il a annexé la lecture à lui subhanahu wa ta'ala alors que c'était Jibril qui lisait le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous dit le shir qu'il le lisait sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'avait reçu d'Allah le Coran et qu'il l'a enseigné au prophète et qu'il l'a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sur l'ordre d'Allah azza wa jal. Donc c'est dans ce sens que l'on retrouve que Allah azza wa jal, il a annexé al-qira'a, la lecture à lui, alors qu'en réalité c'était bel et bien Jibril qui lisait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de même, et c'est la même expression qui est utilisée pour le verset qu'on a vu et qui est notre exemple, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, alors qu'ici al-qurb ce sont al-malaika. Également un autre exemple qui nous donne le shir pour encore appuyer ce qu'il argumente, ce qu'il nous prouve ici, wa kadhalika jaa fi qawli ta'ala falamma dhahaba an ibrahim ar-ru' وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Donc lorsque l'effroi eut quitté Ibrahim et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Donc on voit ici que dans ce verset, يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ يُجَادِلُنَا. Donc ici, voilà qu'il discuta avec nous. Avec qui? Avec nous. يُجَادِلُنَا. Avec nous. Donc on voit ici que Ibrahim, lorsqu'il discute à propos du peuple de Lot, il discute avec qui? Yujadiluna. Est-ce qu'il discute avec Allah subhanahu wa ta'ala directement? Ou alors est-ce qu'il est en train de discuter avec les anges qui sont venus le visiter? Et qui est bien entendu la forme, ils avaient pris la forme des hommes à ce moment-là. Et donc le shir, il nous répond bien entendu, il était en train de discuter avec qui? Avec les anges. Alors qu'ici, al-idafa, ici donc l'annexion, pour ce qui est de la discussion, c'était avec Allah Azzawajal. C'est avec Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il ait dit yujadiluna. Alors c'est bien, bel et bien le malaïka. C'est bel et bien donc ici le malaïka avec qui Ibrahim il discute. Donc c'est également ici une preuve que cette expression et que ce procédé linguistique qu'il est utilisé dans le Coran, on veut dire par cela le malaïka, les anges, et non Allah Azzawajal. Donc voilà pour ce qui est de ces deux versets. Et donc on s'aperçoit de manière claire et évidente que le sens il est bien apparent et que l'on donc l'ont interprété ainsi as-salaf pour ce qui est donc des deux versets qui ont été cités. Ensuite, dans les deux prochains exemples, donc il les rassemble par deux le shir parce qu'ils sont proches au niveau du sens et ensuite donc au niveau de l'explication qui en est faite. Il nous dit, Rahimullah, al-mithal al-tasi' wal-ashir, qawluhu ta'ala an safinati nuh, tajri bi-a'yunina, wa qawluhu li Musa, wa li tusna'a ala ayni, wa li tusna'a ala ayni. Donc le premier verset, c'est fait surat al-Qamar, qui est le verset 14, et le deuxième verset, c'est fait surat Taha, qui est le verset 39. Le premier verset, Allah Azza wa Jal nous parle, subhanahu wa ta'ala, à propos du bateau de Noé, de l'arche de Noé, an safinati nuh, tajri bi a'yunina, hakada, tajri bi a'yunina. Le deuxième verset, c'est donc la parole d'Allah Azza wa Jal à propos de Moïse, à propos de Moussa, lorsqu'il grandissait, walitusna'a ala ayni, walitusna'a ala ayni. Donc je ne parle pas la traduction directement, et pour comprendre plus ce qu'ont voulu les gens de l'innovation. Ils ont dit, ici les gens d'innovation, vous avez interprété les versets, vous les avez fait dévier de leur sens apparent. Pourquoi? Regardez ce qu'ils ont dit. A'yadun billah. Ils ont dit, si on prend le sens apparent du verset, tajri bi a'yunina, bima'na tajri fi a'yunina. C'est-à-dire que le bateau, il vogue dans nos yeux, donc à l'intérieur de nos yeux. Et bien entendu, eux, ils ne disent pas cela. Mais ils disent, si on aurait pris le sens apparent, serait-vous dire cela. Et donc automatiquement, vous êtes obligé d'interpréter. Et vous n'avez pas pris le verset en son sens apparent. Ça, c'est la réfutation des gens de l'innovation. Il faut bien la comprendre. Et pour qu'ensuite, on la détruise. De même, pour ce qui est de Moïse, walitusna'a ala ayni, walitusna'a ala ayni. Et donc ici le sens litusna'a, le fait donc d'être élevé, le fait d'être, donc on verra le sens, walitusna'a ala ayni, d'après la traduction aussi, avant que tu sois élevé, ala ayni, donc ala ayni, c'est-à-dire sur nos yeux ou sur notre œil. Donc si on aurait dit, on aurait pris le verset dans son sens apparent, ça aurait été inimaginable. Donc on est obligé de le faire dévier de son sens apparent. Ça, c'est la parole des gens de l'innovation. Il va nous dire le shir, al-jawab, anna al-ma'na fi hatayn al-ayatayn, ala zahir al-kalami wa haqiqatihi, lakinnama zahir al-kalami wa haqiqatuhu huna. Il nous dit le shir, le sens des versets, des deux versets qu'on a cités, sont bel et bien suivant leur sens apparent. Mais quel est le sens apparent de ces versets? Quel est le sens apparent de ces versets? Il nous dit, هل يقال إن ظاهره حقيقته أن سفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى. Donc comme l'ont dit les gens d'innovation, est-ce que ça c'est le sens apparent? C'est-à-dire que l'on dise, est-ce que le sens apparent et la réalité de ces versets et de ce que impliquent ces versets, c'est que le bateau il vogue dans l'œil d'Allah Azzawajal? Ou alors que Moïse, il est éduqué, il est élevé au-dessus de l'œil d'Allah, ta'ala Allah an dalik. Comment on pourrait dire une chose pareille? Il nous dit, aou yuqal, ou alors on dit, c'est-à-dire donc en donnant l'explication, et en faisant apparaître quel est réellement le sens apparent des versets, aou yuqal inna dhahirahu أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلوها بها ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. Il nous dit, ou alors que le sens apparent des versets, c'est que le safina, l'arche ou le bateau de Noé, tajri, vogue, et l'œil d'Allah Azzawajal y prête attention, le protège, et sous sa garde. Yani tar'aha wa taklahua. Ça c'est le ma'ana. Wa kadhalika tarbiyatu Musa. De même pour ce qui est de l'éducation de Moussa. Que l'éducation de Moussa s'est faite alors qu'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, elle est faite alors qu'Allah Azzawajal, il le protège. Il prête attention et il est sous sa garde. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il voit. Il voit bel et bien Moussa, comme il voit bien et bien Safina. Donc de par ses yeux, subhanahu wa ta'ala. Mais ici, le sens, bien entendu, c'est que il va y prêter attention. Et ça se fait bel et bien dans le sens apparent, c'est-à-dire de par ses yeux, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, pour ce qui est donc de ces deux cas qui sont rapportés ici, il nous dit bien entendu que le premier cas, c'est strictement impossible en droit d'Allah de dire une chose pareille. C'est même inimaginable. Donc il va nous dire que c'est totalement faux, et cela sous deux aspects. Min wajhayn. Al-awwal, annahu la yaqtadihi al-kalam bi muqtada al-khitab al-arabi wal-qur'an innama nazala bi lughati al-arab. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدعي أن هذا الظاهر اللفظي في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. Le premier aspect, c'est que si on aurait dit la première supposition, qui est complètement fausse, et nous dit le shir, strictement impossible que l'on dise ça, et c'est bâti, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que la parole même, et ici, qui est une parole en langue arabe, al-khitab al-arabi, une parole qui est donc en langue arabe, et on sait que le Coran est descendu dans la langue arabe, et on sait que ce Coran et que cette langue arabe donc sont plus que clairs. C'est pour ça qu'il nous a cité plusieurs versets. Parmi ces versets, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En langue arabe très claire, bilisanin arabin mubin. Donc ici, lorsqu'on sait que c'est un Coran qui est en langue arabe très claire, et ça on l'a déjà démontré, on a déjà compris dans les cours précédents ce que cela impliquait. Il nous dit le shir, que personne, strictement personne, c'est impossible, lorsqu'on parle à un arabe, que ce soit une personne qui soit douée de raison, ou alors même une personne qui soit faible d'esprit et qui est arabe et qui donc comprend un minimum al-khitab al-arabi, c'est-à-dire donc l'arabe et le sens de la langue arabe, qu'il puisse comprendre cela des versets du Coran. Et à titre d'exemple, nous a dit le shir, si une personne maintenant dit que cette personne-là yassiru bi'ayni, c'est-à-dire donc qu'elle marche, ou alors qu'elle passe sous mes yeux ou sous mon œil, ça ne veut aucunement dire qu'elle est en train de passer sur mon œil, lorsqu'on dit bien sûr yassiru bi'ayni, en reprenant les termes arabes yassiru bi'ayni, comme dans le verset du Coran, dans la Bible, dans le verset du Coran, tajri bi'ayunina, ici c'est le bas, tajri bi'ayunina. Et eux, les gens d'innovation, ils ont dit al ba ici bi'marna al-fi, yani tajri fi a'yunina, car al ba il vient également bi'marna al-fi, marna c'est-à-dire dans. Donc tajri bi'ayunina, il vogue dans nos yeux. Et donc le shir, il nous dit ici que al ba, comme cela est connu, c'est al ba al-musahaba, la li-dharfiyya. Al-musahaba, al-ba ici, c'est dans le sens de l'accompagnement. Dans le sens de l'accompagnement. Donc, bi'ayunina, c'est-à-dire accompagné par nos yeux, c'est-à-dire sous nos yeux. Donc on y prête attention, on le protège, on y prend garde. Donc c'est dans ce sens-là. Al-ba ici, al-musahaba, al-dharfiyya, al-dharfiyya, qui veut dire donc dans. Dans, ici dans. Et de même pour ce qui est de Non, pour ce qui est du bas. Tayyib. Donc, lorsqu'on dit yassiru bi'ayni, lorsque une personne parle en arabe et dit yassiru bi'ayni, ça ne veut pas dire que ici yassiru fi'ayni. C'est-à-dire qu'il marche ou qu'il passe à l'intérieur de mon œil, dans mon œil. Mais ça devait bien dire, et tout le monde va comprendre, yassiru bi'ayni, c'est-à-dire sous mon œil, sous mon œil. C'est-à-dire qu'il passe sous mon œil, que je suis en train de l'observer, de le regarder réellement ce qu'il fait, d'y prêter attention. C'est dans ce sens. Et si on aurait dit donc l'autre qu'il est en train de passer à l'intérieur de notre œil, si on dirait donc à une personne, même une personne qui est faite d'esprit, c'est en train de rigoler. Lorsqu'on lui dirait une telle interprétation. Donc c'était strictement interdit que l'on puisse dire cela à propos du verset du Coran. C'est donc pas le sens apparent déjà à la base. Le sens apparent, c'est pas le sens qu'il a été soi-disant cité par les gens d'innovation lorsqu'ils ont dit Al-Bab, Imarna et Sifi. Mais ici Al-Bab, Imarna al-Musahaba, comme cela est connu de la langue arabe. Et donc le sens, il est plus que clair et c'est un sens qui est apparent. Donc on n'a pas eu besoin à ce moment-là de faire dévier le sens de son sens apparent. La langue arabe, elle est claire. Elle est très claire. Et lorsqu'une personne, parmi les Arabes, elle dit une expression, une même expression, on comprend bien comme on l'a compris. Et on ne comprend pas comme les gens de l'innovation ont voulu faire croire que c'était la compréhension du verset si on l'aurait compris dans son sens apparent. Ayadan billah. Donc c'est tout simplement ce que le shirk, il nous prouve ici dans ce premier aspect. Pour nous prouver donc la fausseté de leurs paroles lorsqu'ils disent que le sens apparent, c'est celui qu'eux ils ont cité. Athani. Anna hadha mumtani'u. Ghayat al-imtina'. Wa la yumkinu liman arafa Allah. لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا وحال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. Donc il nous dit le shir sous le deuxième aspect, cela est strictement interdit dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. Comment on puisse dire une chose pareille? Et pour celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui donne la vraie valeur d'Allah, qui connaît la vraie valeur d'Allah, qui lui donne sa vraie valeur subhanahu wa ta'ala, jamais il ne pourra comprendre une telle chose dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de son trône et qu'il est séparé de ses créatures totalement et qu'il ne se trouve pas à l'endroit de ses créatures et que personne de ses créatures ne se trouve à son endroit subhanahu wa ta'ala. Et qui n'est pas mélangé avec eux. Donc il nous dit le shirk. فَإِذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْكَلَامِ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ السَّفِينَةَ تَجْرِي وَعَيْنُ اللَّهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَهُهَا وَكَذَلِكَ تَرْبِيَةُ مُوسَى تَكُونُ عَلَى عَيْنِ اللَّهِ يَرْعَاهُ وَيَكْلَهُ بِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ بِمَرْأَى مِنِّي فَإِنَّ ذَلِكَ تَعَالَى فإن الله تعالى إذا كان يكلوه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. Donc le shir, comme on l'a dit précédemment, il dit lorsque il est devenu plus que clair que leur parole à eux elle est fausse, lorsqu'ils ont voulu faire croire aux gens que le sens apparent du verset c'était ce qu'ils ont cité pour ensuite bien entendu renier les attributs d'Allah Azza wa Jalla, en l'occurrence ici les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit lorsque cela s'est prouvé que c'est totalement faux de par le texte même textuellement et de par le sens, donc il nous dit le shirk, il devient donc obligatoire de prendre la deuxième parole comme on l'a expliqué, c'est-à-dire donc que le bateau de Noé donc il vogue et Allah Azza wa Jalla donc le protège, le préserve, il prête attention. De même pour ce qui est de Tarbiyat Moussa, de même pour ce qui est de l'éducation de Moïse. Et on sait que Moïse, il était éduqué où? Dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon il était en train de tuer tous les enfants dans le but de Moïse, c'est-à-dire afin de tuer Moïse, alors que Moïse il était chez lui, que c'était la femme de Pharaon qui était en train d'éduquer Moïse, subhanallah. Regardez comment Allah Azza wa Jalla l'a protégé. Donc c'est dans ce sens le verset du Coran. Et il nous dit donc le shir, si Allah Azza wa Jalla le protège et il prête attention, que ce soit donc Moïse, l'arche de Noé, alors cela implique comme on l'a dit, obligatoirement qu'il le voit, an yarahu, et il le voit Allah Azzajal de par ses yeux subhanahu wa ta'ala. Et donc, il nous dit, walazim al-ma'na as-sahih juz'un minhu. Et bien entendu, donc, ça implique automatiquement une partie du sens, et ça va être ici la partie du sens, c'est-à-dire la vue d'Allah Azzajal. Lorsqu'Allah Azzajal, il le voit. Et donc, il le voit ici, et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces deux choses, pour ce qui est de Moïse et pour ce qui est du bateau, il nous dit, le shirk, que cela c'est bel et bien une partie. C'est-à-dire qu'il le voit, mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala le protège, etc., comme on l'a dit. Tayyib. Donc ça c'est pour ce qui est de du 8e, du 9e et du 10e exemple. On a donc prouvé que ces deux versets, les salafis l'ont bien interprété suivant le sens apparent des versets, comme cela est connu dans la langue arabe, et qu'ils ont bien donc attribué à Allah Azzawajal ce qui lui revenait de droit, c'est-à-dire donc ses attributs. Ensuite, le shir, rahimallah, il va nous donner encore un autre exemple, et qui est le 11e. Al-mithal al-hadi ashar. Al-mithal al-hadi ashar. Il nous dit, qawluhu ta'ala fil hadith al-qudsi. وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته ولكن ما ظاهر الحديث هل يقال إن الظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله أو يقال إن الظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. Donc dans ce verset, qui est un verset qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et dont certains savants ont discuté par rapport à son authenticité, mais qui, en réalité, reste un hadith qui est sahih, lorsqu'on reprend donc plusieurs chaînes de transmission, toutes les chaînes de transmission à propos de ce hadith, et comme l'a démontré Cheikh al-Albani, rahimahullah, en revenant sur les paroles également des anciens, car c'était un des hadiths dont ont parlé certains savants quant à son authenticité pour ce qui est du hadith. Al-Kulihal, c'est un hadith qui est bel et bien authentique et que l'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique fi kitab al-Riqaq, et qui est le hadith suivant que tout le monde connaît, hadith Qudsi. وما يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. C'est-à-dire que le serviteur, al-Wali, celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de se rapprocher de lui subhanahu, c'est-à-dire tatawwa'an, par donc les actes qui sont surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires mais qui sont surérogatoires, hatta uhibba. Donc il ne cesse de faire ces actes-là et qu'il se rapproche d'Allah Azzawajal par l'accomplissement de ces actes-là jusqu'à ici hatta uhibba, jusqu'à qu'Allah Azzawajal donc aime ce serviteur. Et lorsqu'il l'aime, fa idha ahbabtu, et lorsque donc je l'aime, il nous dit Allah Azzawajal, lorsque je l'aime, fa idha ahbabtu كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Donc je suis son ouïe avec lequel il entend, son audition avec laquelle il entend. وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Et donc sa vue avec laquelle il voit. وَيَدَهُ الَّذِي يُبْتِشُ بِهَا. Et donc sa main avec laquelle il prend, il empoigne. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا. Et donc son pied avec lequel il marche. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demande, alors je lui donnerai. Ici, bita'akid. La'u'tiyanna, bita'akid, c'est-à-dire avec assurance. Wala in ista'adani, la'u'idhanna. C'est-à-dire, ici, il me demande protection. La'u'idhannahu, la'u'idhannahu. C'est-à-dire, ta'akid également. Par assurance, je lui donnerai la protection. Je le protégerai. Bien entendu, les gens de l'innovation ici, ils ont été encore dire que les gens de la sunna, ils ont fait dévier ce hadith de son sens apparent et qu'ils sont donc rentrés dans l'interprétation comme ils l'ont fait avec les versets et les hadiths concernant les attributs d'Allah Azzawajal. Ici encore une fois, le cheikh va nous prouver que les gens de la sunna et du consensus, ils ont bel et bien pris le hadith suivant son sens apparent. Mais quel est son sens apparent? Quel est son sens apparent réellement de ce hadith? Et c'est là toute la question. Et c'est ce qu'il va nous dire le cheikh. Est-ce qu'on va comprendre donc que le sens ici, le sens apparent qu'Allah Azzawajal, il est l'audition du serviteur proche, Al-Wali, qu'il est sa vue, qu'il est sa main, qu'il est son pied, ta'ala Allah an dhalik. Ou alors qu'on dise que le sens apparent ici, c'est qu'Allah Azzawajal yusaddidu al-wali fi sam'i wa basari wa yadi wa rijli bi haythu yakunu idraku wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillah. C'est-à-dire, est-ce que le sens apparent, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala yusaddidu al-wali fi sam'i wa basari, c'est-à-dire donc qu'il vient renfermer son serviteur dans sa vue, dans son audition, dans sa main, dans son pied, dans le sens que tout ce qu'il va faire, ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre, ce qu'il, au moment où il va marcher, au moment où il va prendre des choses par sa main, ça va être pour Allah, de par Allah et en Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le sens apparent, c'est ce qu'on dit les gens d'innovation, ou est-ce que le sens apparent, c'est ce qu'on dit as-salaf, al-sunnati wal-jama'a? Il nous dit le shir wa raib, anna al-qawl al-awwal laysa al-zahir al-kalam, bal, wa la yaqtadihi al-kalam liman tadabbara al-hadith, fa inna fil hadith ma yamna'uhu min wajhain. Donc il va nous dire le shir, la première supposition, celle qui était faite par les gens d'innovation, pour ce qui est du sens apparent du hadith, elle est complètement fausse. Et que cela n'est pas ce qu'implique la parole ici, et qui est une parole bien entendu en langue arabe pour celui qui va réellement contempler, qui va réfléchir sur le sens du hadith. Et va nous prouver le shir que cette parole-là, elle est strictement interdite et qu'on ne peut l'appliquer. Et va nous le prouver sous deux aspects. Min wajhain. Il nous dit al-wajh al-awwal. أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه وقال ولئن سألني لأعطينه كالحديث فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا فسياق الحديث يدل على إثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر وذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. Donc le shir va nous dire que lorsqu'on voit et on réfléchit sur le hadith, il est plus que clair que dans ce qui était utilisé comme terme lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui dit وما يزال عبدي يتقرب إليه. Donc ici وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. Il est bien ici celui qui se rapproche et celui dont on se rapproche. Mutaqarriban wa mutaqarraban ilayh. Hatta uhibba. Jusqu'à que je l'aime, lui. Donc ici, il y a celui qui va aimer, muhibban wa mahbuban, celui qui va être aimé. Et également, lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a dit dans ce hadith al-Qudsi, wa la in salani la u'tiyanna. Donc ici, il y en a un qui va demander et il y a un qui va répondre à cette demande. Il y a celui qui va donner. Et également celui qui va demander la protection, c'est-à-dire s'il me demande protection, je lui donnerai cette protection. Donc il y a celui qui demande la protection et celui qui va protéger. Et celui donc qui va répondre à cette demande-là par la protection. Et donc celui qui va protéger, celui qui va protéger. Donc il nous dit, fasiyaqul hadith, le contexte du hadith, comme est exposé le hadith en cette langue arabe plus que claire, il dit, ça prouve bien qu'il y a deux personnes. Ithnain mutabayinain. Donc, deux personnes qui sont bel et bien différentes l'une de l'autre. Et que l'une n'est pas l'autre. Et donc, cela ne va pas autoriser qu'il y a un des deux qui soit wasfan, comme nous dit le shir, wasfan fil akhar. C'est-à-dire, wasfan, ça revient ici à sam wal basar. Wasfan, ça revient à sam wal basar. C'est-à-dire que l'un soit l'autre dans as-sam' wal basar, c'est-à-dire l'ouïe et l'audition. Ou juz'an min ajza'i, c'est-à-dire une partie de ses parties. Il veut dire le shirk, juz'an, ici, l'yad ou rij, c'est-à-dire donc la main ou le pied. C'est strictement impossible. S'ils sont différents et séparés, automatiquement, ils n'auront pas le même wasf, et que le wasf ne sera pas commun à l'autre. De même pour ce qui est des ajza, pour ce qui est des parties. Ici donc les parties du corps, l'yad ou rij. Ça, c'est le premier aspect pour répondre que ici il n'y a aucune preuve de ce qu'ont avancé les gens d'innovation pour dire que cela était le sens apparent. En revenant bien entendu dans le texte même, en reprenant donc le texte et les termes employés ici dans la langue arabe. Al-Wajh Thani, An-Sam' al-Wali, Wabasarahu wa yadahu wa rijlahu kulluha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'd an lam yakun. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق بل إن هذا المعنى تشمهز منه النفس أن تتصوره ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعي وبصري وعملي بحيث يكون إدراكه بسمعي وبصري وعملي بيدي ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانا وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق للظاهر اللفظ وافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. Donc le cher va nous dire, pour ce qui est donc du deuxième aspect, c'est que si on aurait dit donc que l'audition, que la vue, etc. du wali, tout cela, que ce soit donc de l'awsaf, que ce soit donc de l'ajza, fi makhluqin hadithin ba'd an lam yakun, c'est-à-dire que cela est bel et bien réuni dans un être qui est créé, hadith, c'est-à-dire qui était présent alors qu'il n'était pas présent auparavant, qui est apparu à un moment alors qu'il n'était pas présent à un moment antécédent. Donc il nous dit le shirk, c'est strictement impossible, quelqu'un qui a une raison, qu'il puisse comprendre que Al-Khaliq, celui qui a créé, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a rien avant lui, rien après lui, puisse être la vue, puisse être l'audition, etc., de Al-Makhluq, de celui donc qui est créé. Il nous dit le shirk, Hadha al-Ma'na, c'est-à-dire ce sens-là, Al-Nafs, je trouve ça strictement répugnant de se imaginer. Et c'est dur même de par notre langue, de dire une telle parole, et même si cela est par supposition. Alors, que dire? Il nous dit le shirfa, kaifa yasuru an yuqal. Donc, comment peut-on dire ici que l'apparence de ce hadith, hadith al-Qudsi, anahu qad surifa an hadha al-zahir, qu'il était donc dévié de ce sens donc apparent, ayyadan billah. Et il nous dit donc le shirf que si cela est devenu donc clair, que cette parole est strictement fausse, et que c'est strictement interdit dans le droit d'Allah Azzawajal, alors on dit le qawl thani, c'est celui qui devient donc obligatoire à prendre, et qui est donc, comme on l'a expliqué, qu'Allah Azzawajal, il en renfermit, et qu'il donne son accord à celui qui est proche de lui, qui s'est rapproché de lui, de par donc ses actes surérogatoires. Il devient donc, à ce moment-là, cette personne-là, son oui, son audition, son pied, sa main, etc., donc, tout cela, lorsqu'il fait quelque chose avec, c'est-à-dire lorsqu'il parle, lorsqu'il entend, ou lorsqu'il prend quelque chose avec sa main, lorsqu'il marche, etc., il le fait au lillah. Donc lorsque le cheikh nous avait dit lillah, lillahi pour Allah, ça veut dire ikhlas. C'est-à-dire qu'il le fait avec une pureté d'intention, ikhlas. Et lorsqu'il a dit wabillahi, ici wabillahi, c'est-à-dire par Allah azawajal, isti'anan. Isti'anatan, c'est-à-dire donc, il le fait avec ikhlas et en demandant l'aide d'Allah Azzawajal, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et également, wa fillahi, c'est-à-dire en Allah Azzawajal, yani shar'an wa ittiba'an, c'est-à-dire fi shar'illah, fi shar'illah. Ce qu'il a fait donc, c'est en conformité avec la législation d'Allah Azzawajal, ittiba'an, c'est-à-dire qu'il a suivi ici l'abd, il a suivi les directives du Qur'an et de la sunna, et qu'il n'est pas sorti donc de cela, et qu'il est donc resté sur ash-shar, qu'il est resté donc en accord avec la législation. Ça c'est ma'na, lillah, wa billah, wa fillah. Et il nous dit, fayatimmu lahu bidhalik kamal al-ikhlas wal-isti'anati wal-mutaba'a wa hadha ghayat at-tawfiq. Et donc à ce moment-là, lorsque la personne Allah Azza wa Jalla yusaddiduhu yuwaffiquhu, lorsqu'on donc il le renfermit, lorsqu'il lui donne son accord subhanahu wa ta'ala, alors il obtient une pureté d'intention qui est complète, wal-mutaba'a également, c'est-à-dire donc qu'il va suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne va pas tomber donc dans l'innovation, qu'il va suivre Sharullah, la législation d'Allah Azzawajal, le livre et la sunna. Et donc il nous dit le shir à ce moment-là, il nous dit wa hadha ma fassarahu bihi salaf. Donc c'est bel et bien ce qu'ont donné comme explication les salaf, cette explication, et qui en réalité nous dit le shir wa tafsirun mutabiqun li dhahir al-lafz. C'est une explication qui est bel et bien en conformité avec ce cas, avec l'apparence du texte. Le texte ici, qui est le hadith, et les termes qui sont employés. Muwafiqun li haqiqatihi, et qui est donc en conformité également avec son réel sens. Ta'ayyan bi siyaqi, c'est-à-dire que son exposition, comment exposer son contexte, nous prouve bien que c'est le sens que l'on doit prendre et appliquer pour ce qui est de la compréhension de ce hadith. Et ce n'est donc pas, lui dit le shir, walaysa fi ta'wilun lil kalami an zahiri wa lillahi alhamdu wal minna. Donc il n'y a aucunement ici une interprétation ou alors le fait d'avoir fait dévier le sens de ce qu'il indique en apparence, wa lillahi alhamdu wal minna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa